Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Les lenteurs administratives dans les services de l'État ont été critiquées en Conseil des ministres tenu mercredi 26 novembre. Et le chef de l'État burundais appelle au suivi du personnel. Les administratifs ont le plein droit de prendre des mesures de prévention de l'ordre public, de la perturbation de l'ordre public, mais de façon provisoire et dans le respect de la loi, dit le ministère burundais de l'Intérieur après des mesures prises et critiquées par certains administratifs. Problème d'approvisionnement en eau potable dans certains quartiers du chef-lieu de la province Moaro, cela fait plus d'un mois. Vous aurez également la revue de la presse dans cette édition mise en ondes par Innocent Biboniman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Les ministres sont appelés à suivre de près le personnel sous leur responsabilité pour combattre le phénomène des lenteurs administratives observées dans les services étatiques. Lors du Conseil des ministres de mercredi 26 novembre, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a aussi conseillé aux gestionnaires des projets de l'État de travailler pour l'intérêt de l'État et savoir qui ne sont pas au service des partenaires finançant ces projets. On écoute Prosper Nargwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait remarquer aux membres du gouvernement que des lenteurs administratives se font toujours remarquer dans les services publics. Il leur a demandé de suivre de près les fonctionnaires sous leurs responsabilités et de les rappeler à l'ordre. Il a également indiqué que les malversations économiques et les détournements des fonds publics demeurent. Il leur a demandé de tenir des réunions de sensibilisation pour que tout fonctionnaire ou agent de l'État qui sera reconnu coupable d'une telle infraction sache qu'il va perdre son emploi, qui sera désormais fiché et ne pourra plus trouver du travail sur le territoire burundais. Il a demandé également aux membres du gouvernement d'être sur terrain pour s'assurer que les engagements pris pour satisfaire les besoins de la population sont en train d'être réalisés. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est revenu sur les projets financés par les partenaires techniques et financiers. Il a rappelé que ces projets sont pour l'État burundais et les ministères doivent les suivre de près. Les fonds accordés à ces projets doivent servir à leur réalisation et non comme des frais de fonctionnement. C'est pourquoi, pour les projets à venir, leur conception et leur réalisation doivent être une affaire de l'État. Les gestionnaires de ces projets doivent savoir qu'ils sont au service de l'État et non au service du partenaire qui a financé le projet. Il faut, à l'avenir, éviter les retards dans l'exécution des projets, comme cela est constaté dans certains projets en cours. L'idéal serait même que le budget soit exécuté avant terme et correctement utilisé pour facilement prétendre à d'autres financements. Il a été en définitive demandé à chaque ministère d'élaborer un tableau montrant les projets sous sa tutelle, le domaine d'intervention, le budget alloué au projet, sa durée et le niveau de réalisation. Prosper Anorgwami est secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais en page gouvernance. L'administrateur de la commune Ruhurura en province Ngozi a sorti un communiqué interdisant les femmes de circuler au-delà de 20 heures. C'était le 5 novembre et le 23 novembre. L'administrateur de la commune Mutumba en province Karusi a également interdit une certaine femme d'habiter dans n'importe quel lieu. Le rappel, on revient sur ses correspondances avec Ornella Mucho. Mamerte Birukundi, l'administrateur de la commune de Ruhororo, c'est en province Ngozi, a pris une mesure le 5 novembre 2020 interdisant officiellement aux femmes de cette commune de circuler au-delà de 20 heures. Selon le communiqué, cette heure a été imposée aux femmes de sa localité afin qu'elles soient rentrées dans leur ménage et surtout pour qu'elles aient quitté les bars avant 20 heures. Dans son même communiqué, elle a averti que celles qui outrepasseront cette décision seront punies de façon exemplaire. Cette autorité locale a justifié sa décision par le souci de protéger ces femmes et lutter contre la débauche. Après quelques semaines, en date du 23 novembre, il est sorti également un communiqué de l'administrateur Ephrasie Luzobavako de la commune Mutumba, c'est en province Karusi, interdisant à une fille nommée Liziki de séjourner dans aucune autre maison de cette commune, excepté dans deux maisons qui sont entre autres le demeure de ses parents ou celui de son époux une fois qu'elle sera mariée. Dans son même communiqué, elle a souligné que la raison de la prise de cette mesure est la débauche qu'elle accuse à cette fille. Sur ce, Pierre Angurikié, porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur, précise que les administratifs ont le plein droit de prendre des mesures préventives de perturbation de l'ordre public, mais de façon provisoire, on l'écoute. Premièrement, je voudrais d'abord préciser que les administratifs sont responsables de tout ce qui se passe dans les circonscriptions. Et de deux, les administratifs ont le droit de prendre toutes les mesures préventives, les mesures provisoires pour prévenir toute perturbation de la sécurité, tout trouble dans les circonscriptions. Ce qui s'est passé alors dans cette localité, c'est que effectivement l'administrateur communal de cette commune a pris cette mesure dans le cadre de prévenir des troubles qui allaient se produire suite au comportement de cette femme. Ce sont des mesures provisoires qui doivent être suivies immédiatement par l'enquête qui est faite par des professionnels, donc la police ou le parquet, pour pouvoir établir, vérifier si réellement il y a des infractions et confectionner des dossiers. Donc, en cas de nécessité, lorsqu'il y a possibilité de production de troubles, les administratifs ont le droit de prendre des mesures préventives, provisoires, qui ne durent pas longtemps. Pourquoi l'administrateur de cette commune n'a pas pris la mesure de la faire arrêter et la remettre aux instances qui sont chargées de faire des enquêtes? Il n'est pas de ses compétences d'aller procéder à des arrestations, mais quand il est au courant de tout ce qui peut perturber l'ordre, il a le droit de prendre des mesures préventives parce que d'après les rapports en provenance de la localité, il paraît que la femme allait être lynchée suite à son comportement. Et donc, la première mesure, c'était effectivement de limiter ses mouvements pour qu'elle ne soit pas lynchée. Je pense que l'administratrice a pris une bonne mesure. L'essentiel, c'est qu'elle ne dure pas longtemps et que les instances habilitées spécialisées dans l'enquête puissent se saisir immédiatement du dossier. Ça a été aussi le cas dans certaines localités, en l'occurrence en commune Ruhororo, où une mesure limitant le mouvement des femmes dans des bistrots à 20 heures. Pierre Ngurikié, porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur, vous voudrez bien nous excuser du montage de cet élément. Eh bien, pour le cas de cet administratif de la commune Ruhororo en province Ngozi, le porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur rappelle à ces administratifs qui doivent veiller à ce que les lois spécifiques ne soient pas violées. On l'écoute encore une fois. Ce sont des mesures provisoires de courte durée qui sont destinées à prévenir la perturbation de la sécurité, de l'ordre dans la localité. Les administratifs ont le droit, je le répète, de prendre toutes les mesures qui visent à prévenir les troubles dans les circonscriptions. Je précise aussi que pour prendre de telles mesures, les administratifs doivent veiller à ce que ces mesures ne viennent pas violer les lois qui régissent la vie, et les lois qui régissent ces domaines spécifiques au Burundi. Mais aussi, il faut que ces mesures ne violent pas les instruments internationaux des droits de l'homme auxquels le Burundi est parti. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. La Croix-Rouge Burundi demande au gouvernement que l'octroi du permis de conduire soit conditionné par la détention d'un certificat de formation en premier secours. Le chef du département de la gestion des catastrophes au sein de la Croix-Rouge Burundi l'a dit ce vendredi lors de la clôture de la semaine dédiée à la sécurité routière. En Afrique, Désiré Bundoyi suggère qu'une loi soit prise pour que tout transporteur ait à bord de son véhicule une trousse de secours suivie. La Croix-Rouge a souscrit au principe de réduire les effets néfastes de la sécurité routière. Alors, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, il demande au gouvernement qu'une loi ou une disposition soit prise pour que tout transporteur ait à bord de son véhicule une trousse de secours, première chose, et que l'octroi du permis de conduire soit conditionné par la détention d'un certificat de formation en premier secours. Parce que les premiers qui sont aux prises avec les accidents de la route, c'est principalement les chauffeurs qui, en cas de survenue d'un accident, ne savaient pas quoi faire. En page société en province Moaro, il y a difficulté d'approvisionnement en eau dans certains quartiers du chef-lieu de cette province depuis. Depuis plus d'un mois, certains ménages se rabattent à des sources aménagées dans les vallées proches. Et au niveau de l'antenne de la régie des eaux à Moaro, on indique que cette insuffisance d'eau est liée à la capacité du réservoir d'eau. Nous ne pouvons pas alimenter correctement tout le centre. Le point avec Laurent Dikouliou. Au quartier Kagoma, par exemple, situé au chef-lieu de cette province, certains habitants contactés disent qu'ils viennent de passer entre 1 et 2 mois sans qu'aucune goutte d'eau ne coule de robinet dans leur ménage. Pour d'autres, l'eau est disponible seulement dans le robinet vers les heures avancées de la nuit. La journée, les robinets ne débitent plus de l'eau ou donnent tout simplement de l'eau en très petite quantité. Ils indiquent que certains font recours à l'eau qu'ils puisent dans les sources aménagées dans les vallées proches. D'autres recueillent l'eau de pluie qui tombe de leur toiture de maison de l'eau qui est utilisée pour la propreté. Pourtant, certains habitants du chef-lieu de cette province disent que même s'ils viennent de passer du temps sans être alimentés en eau dans leur robinet, ils reçoivent régulièrement des factures de la régie des eaux, des factures qui des fois sont supérieures à celles qu'ils recevaient avant. Au niveau de la régie des eaux, antenne Moaro, Syriac Nikanda Gozoa, responsable de cette antenne, dit que l'eau qui alimente le chef-lieu de cette province est suffisante à sa source dans la vallée d'Onjaga, mais le réservoir qui reçoit cette eau, qui y arrive par motopompe à de petites dimensions et ne peut pas alimenter comme il faut tout le centre qui s'agrandit progressivement ces derniers jours. De Moaro, Laurent Dikouliou, Radio Sanganilo. De Moaro, au centre du pays, rendons-nous en province Kayanza, c'est au nord du Burundi pour parler éducation. La commune scolaire de Kayanza enregistre un rendement scolaire non satisfaisant dans les examens nationaux. Une des causes, selon Désiré Atungimana, directeur provincial de l'enseignement à Kayanza, est la fraude des points par certains enseignants en connivence avec certains élèves et parents. Dans une réunion organisée l'après-midi de ce vendredi par l'administration en commune Kayanza, l'intention des natifs de cette commune, le Rémi Chicharay, gouverneur de cette province, demande aux autorités en charge de l'éducation de remplacer des enseignants inaptes au service par d'autres qui en sont capables. Les détails avec Patrick Nsengiyumva. Comme l'a indiqué Jiruel Nyandoui, administrateur de la commune Kayanza, cette réunion a été organisée dans l'optique de réunir les natifs de cette commune afin qu'ils puissent voir ensemble ce qu'il faut faire dans la redynamisation du secteur de l'éducation. Aver Nezigayo, directeur communal d'enseignement en commune scolaire Kayanza, a indiqué que l'année scolaire passée, sur 9 communes scolaires de la province Kayanza, la commune scolaire de Kayanza a été classée 8e au concours national effectué par les élèves qui terminent le cycle fondamental. Selon son responsable, certaines des causes du mauvais rendement scolaire sont l'insuffisance des enseignants qualifiés sur certains établissements scolaires et le manque des moyens nécessaires pour la multiplication des tests d'entraînement. Désiré Atungimana, directeur provincial d'enseignement à Kayanza, ne mâche pas les mots pour affirmer que d'autres défis auxquels fait face l'amélioration du rendement scolaire en commune Kayanza sont la fraude des examens qui s'observent chez certains enseignants ainsi que les enseignants qui ne réalisent pas convenablement les tâches qui leur sont assignées. D'après toujours son responsable, il s'observe aussi un relâchement chez certains parents quant à la sensibilisation auprès de leurs enfants sur l'importance de l'école. Les participants à la réunion ont demandé la mise en place d'une caisse qui servira à la collecte des moyens nécessaires pour la redynamisation de l'éducation en commune Kayanza. Et l'administrateur communal Kayanza et le gouverneur de la province Kayanza, tous demandent aux autorités en charge de l'éducation en province Kayanza de suivre de près les prestations des responsables scolaires et celles des enseignants. Au terme de cette réunion, ces administratifs ont saisi aussi l'occasion pour féliciter le lycée Kayanza où 7 élèves de la section technique se sont classés premiers au niveau national dans l'examen d'état édition 2019-2020. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva pour toutes ces précisions. Voilà, 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Innocent Bibonimana qui a assuré la mise en onde. Tout de suite, vous suivez la revue de la presse. Bon week-end à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyang. Isanganiro. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Selon votre zone d'écoute. Vers le dégel des relations entre Gitega et Kigali, titre le journal Iwacu. À l'issue de l'audience que le président burundais a accordée à l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs mardi, la présidence de la République du Burundi a sorti un communiqué selon lequel Kigali a la ferme volonté de remettre les présumés putschistes aux autorités burundaises. Il précise que Kigali voudrait le faire par l'entremise d'un mécanisme ou d'un pays médiateur. Le même communiqué indique que le président Ndayishimiye fait savoir qu'entre le Burundi et le Rwanda, il n'y a nul besoin de médiateurs étrangers, d'autant plus que les deux peuples sont très proches et peuvent s'entendre de par leur langue presque similaire. Au chapitre des réactions, Kefa Nibizi, président du parti Rode Bunyakuri, salue la volonté manifestée par le Rwanda d'effrader les présumés putschistes, mais n'apprécie pas du tout la manière dont Kigali va procéder par l'intermédiaire d'un pays médiateur. De son côté, Phénias Nigaba, porte-parole du FODEBU, estime qu'il faudrait privilégier la voie diplomatique dans le traitement du contentieux existant entre Gitega et Kigali au sujet des présumés putschistes qui seraient au Rwanda. Iwacu s'est entretenu également avec le politologue Gérard Villanamidje qui pense qu'à travers ces gestes, Kigali a besoin d'en finir définitivement avec ce conflit qui peut-être lui prend de l'énergie. Le journal La Voix de l'enseignant écrit que l'enseignement du français au Burundi nécessite une revalorisation. Étant une langue d'enseignement et une langue officielle, le français doit être utilisé correctement en classe et au travail. Malheureusement, des enseignants signalent que les élèves et les étudiants éprouvent actuellement des difficultés à s'exprimer ou à répondre aux questions posées dans différentes disciplines. Les difficultés se font sentir au niveau de la conjugaison et expression. De même à l'écrit, signale toujours ce journal de l'éducation, il est difficile aux étudiants de prendre note et les enseignants leur font des photocopies. Un enseignant propose au ministère de tutelle de revoir à la hausse le volume horaire du français qui soit enseigné dans toutes les sections. Faut-il aussi revoir à la baisse les effectifs des élèves par classe pour permettre l'apprentissage des compositions, de la lecture des romans et faire des dictées aux universitaires de réinstaurer les examens oraux. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse publie dans son numéro du 26 novembre les multiples difficultés auxquelles fait face le commerce transfrontalier. La lenteur dans l'exécution des différentes décisions liées à la libéralisation du commerce continue de menacer la réalisation d'une intégration approfondie, mais également ce retard a déclenché le commerce informel transfrontalier au Burundi et dans la région. À la sortie d'une table ronde organisée par le Centre de développement des entreprises en collaboration avec le ministère du Commerce, du transport, de l'industrie et du tourisme, le secrétaire permanent au sein de ce ministère a aussi indiqué que la hausse du chômage a davantage aggravé la croissance du commerce informel transfrontalier. Cela fait qu'aujourd'hui, de nombreux petits commerçants transfrontaliers approvisionnent des produits à travers les frontières à une marge qui préserve leurs moyens de subsistance, lit-on dans cet article de l'ABP. L'hebdomadaire Burundi Echo consacre un numéro spécial aux droits des enfants. L'un des articles de ce numéro spécial parle de l'absence du protocole sanitaire dans les écoles pour faire face à la COVID-19. Les établissements scolaires ont baissé la garde. Il n'y a pas de rigueur de leur part qui oblige les élèves ou les écoliers à prêter beaucoup d'attention aux mesures barrières. Selon toujours Burundi Echo, dans certains établissements, il y a du savon à côté de ces dispositifs. Dans d'autres, il n'y en a pas. Les accolades, les embrassades se font à l'ordinaire. Les responsables scolaires disent qu'ils sont débordés et que c'est impossible de contrôler des effectifs énormes au moment où les établissements scolaires font face au surpeuplement des salles de classe. Coronavirus toujours, avec la Nova cette fois-ci, qui écrit sur la campagne annuelle ouverte par Caritas Burundi. Dans un atelier média tenu mercredi 25 novembre à Bujumbura sur le rôle des médias dans la lutte contre la COVID-19, l'abbé Bosco Ninhunze, secrétaire général de Caritas Burundi, indique que la mairie de Bujumbura est le lieu le plus touché par la maladie à coronavirus, mais qu'il y a d'autres milieux les plus reculés qu'on ne peut pas ignorer. Nous suivons de près les mouvements de la population, nous sommes avec les rapatriés. Nous voulons leur assurer une assistance continue depuis la mairie de Bujumbura jusqu'au niveau les plus reculés du Burundi. Nous avons jugé bon d'inclure les prisons, les orphelinats, les hospices, sans oublier les médecins et les prêtres qui leur sont proches. Notre kit d'assistance est composé de savon, de désinfectants et de masques, ajoute l'abbé Ninhunze. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Armé Le Moutore et Francine Ndeokugayo. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.